qui va être accompagné de gestes. Il y a quelques définitions que j'ai. Okay, on va aller un peu plus loin. Okay, on va revenir sur Ésaïe tantôt. Peut-être, ouais, c'est ça, on revient sur Ésaïe tantôt. Parce que j'ai changé l'ordre dans mes notes, j'ai changé l'ordre, puis je ne l'ai pas changé dans sur le diapo. Terrible, hein, Daniel? Ça va te donner du trouble, ça, pour demain. Donc, j'ai donné quelques. Dans des commentaires que tu faisais sur l'amour et la justice. Alors, voilà ce que certaines personnes ont dit. Des commentaires, ou bien donc simplement, en général, des livres qui parlent, des gens qui parlent de la justice dans le monde. Et puis, donc, certaines personnes disaient, bon, l'amour sans justice, c'est de la blague, hein, ou une blague. L'amour sans justice n'est que mollesse, faiblesse. L'amour sans justice est utopie, mensonge, leurre. L'amour et la justice sont indissociables, dit quelqu'un d'autre. On ne peut pas parler d'amour dans le monde sans l'associer à la justice. L'amour sans justice ne signifie rien. Peut-être faut changer de diapo. Quelqu'un d'autre disait, l'amour sans justice est un caprice immoral. C'est fort. Hein? Un caprice immoral. Parce que c'est immoral. Jean te le dit, hein? Jean te le dit dans son épître, il dit, si tu vois ton frère dans le besoin, puis tu dis, va voir, tu sais, que Dieu te bénisse. C'est immoral de dire que tu aimes ton frère et puis de le voir souffrir et de rien faire pour alléger sa souffrance. L'amour sans justice ne signifie rien. L'amour sans justice est impossible car l'amour est équitable. L'amour sans justice n'est que du vent qu'on brasse. Ou des parents en l'air, on dirait ça. Ce sont des parents en l'air. Vous entendez bien? C'est beau? OK? C'est des parents en l'air. Non? Vous n'entendez pas bien? Donc, voilà. L'amour est une décision. Hein? L'amour est une décision. Lorsque j'ai célébré le mariage du couple Stélie et Junior, il y a quelques semaines, j'ai dit une phrase que je dis dans tous les mariages, quand j'adresse les mariés, et puis, enfin, ce n'est pas dans tous les mariages que je fais un petit sermon, mais dans certains mariages, je le fais. Parce que quand c'est un mariage de personnes pas nécessairement engagées dans leur foi, alors, je ne fais pas de petites sermonnettes. Maintenant, c'est des chrétiens qui se marient, alors je fais un petit prélude. Et puis, dans ce prélude, je mentionne, hein, le fait que le mariage est un engagement. Que c'est deux personnes qui s'engagent et qui sont en train de créer un espace d'amour inconditionnel, un espace de croissance. Et j'ai mentionné la phrase que je mentionne, hein, dans ces circonstances-là. Où je leur dis, à partir de ce moment, vous ne demeurez pas mariés parce que vous vous aimez. Et là, Daniel a l'air craché. Hein? Ouais. Je reprends. À partir de ce moment, vous ne demeurez pas mariés parce que vous vous aimez. Vous choisissez d'aimer parce que vous vous promettez l'un à l'autre dans l'union du mariage. Ça commence par l'amour. Hein? Ça commence par l'amour. Deux personnes s'aiment. Ils rentrent dans une union d'engagement, on s'engage, comme nous, on s'engage dans la foi. Dans cette communion avec Dieu, on s'engage, un engagement. Mais une fois qu'on rentre dans cet engagement-là, qu'on fait un choix d'aimer, de dire, je cesse de regarder ailleurs, hein? Peut-être pour ça, je suis encore célibataire, t'arrêtes de regarder ailleurs, de peur de dire tout à coup que je rencontre quelqu'un d'autre, je vais aimer plus que celle-là. Hein? Tu renonces à regarder ailleurs. Puis tu poses un choix, puis tu dis, je vais aimer cette personne. Je m'engage à rentrer dans une relation d'amour. Alors, je vais demeurer marié. Non plus parce que j'aime, mais j'aime parce que je me suis engagé. Et cet amour-là va poser des gestes, hein? Des gestes de gentillesse, des gestes de comment je pourrais dire, je cherche le mot là, mais de tendresse, des gestes aussi d'être avenant, hein? Avenant envers la personne que nous aimons, n'est-ce pas? Alors, l'amour est une décision qui pose des gestes. On va aller en arrière vers Ésaïe, chapitre 11, 1 et 9. Donc, la semaine dernière, on a lu deux textes. Un dans l'Ancien Testament d'Ésaïe et l'autre dans le Nouveau Testament dans Luc 1. Parce que ce sont deux textes que nous retrouvons occasionnellement durant la saison de l'Avent. Alors, dans les églises liturgiques, hein, où on suit le lectionnaire, ils vont faire la lecture de ces textes-là aux 3 ans. Parce que le lectionnaire, hein, il revient, il se renouvelle à tous les 3 ans. Fait que cette lecture-là, on l'entend régulièrement à l'occasion de la fête de l'Avent. Ils sont mis ensemble, d'ailleurs. Puis on a suggéré que Ésaïe, que le thème, le propos d'Ésaïe, dans Ésaïe 11, versets 1 à 9, que le propos d'Ésaïe, c'est l'aspiration. Justement, Moïse, justement, Ésaïe est en train de dire, il pense que c'est l'amour de Dieu qui va amorcer un règne de justice, de bonté et d'honneur, que l'amour va avec la justice. C'est ce qu'il développe dans ce 11e chapitre-là, la vision qu'il a. Puis là, on a parlé d'une aspiration, que Ésaïe aspire à un changement de situation, que quelque chose change. On dit communément en français, hein? On le dit, plus que ça change, plus que c'est pareil. Oui? Avez-vous hâte que ça change pour le vrai? Plus que ça change, plus que c'est pareil. On a eu l'histoire des commandites, là on a l'histoire des collusions sur hein, les contrats qui sont donnés. Ça c'est ici au Québec, là, hein? On pourrait regarder le monde, les collusions, la corruption dans le monde entier, les injustices qui se vivent. Oui. Rien de nouveau, c'est le soleil. Merci, Tristine. Rien de nouveau. Plus que ça change, plus que c'est pareil. Mais Ésaïe aspire, c'est ça, c'est que Ésaïe aspire à un changement. Qu'il va y avoir un jour, puis c'est sûr, il y a un jour, c'est hein, ultérieur, à un moment donné, il va y avoir un changement radical. Mais on a mentionné en même temps, la semaine dernière, qu'une partie d'Ésaïe, on peut dire qu'il y a une mesure, il y a une mesure dans laquelle ce que Ésaïe annonce se produit déjà. Hein? On a parlé de Mère Teresa, de l'abbé Pierre, hein, de des gens qui déjà dans le monde vont utiliser les richesses injustes. Hein? Je pense à Jésus qui dit, hein, qui nous parle à nous, les disciples. Les disciples, si tu le suives, d'avoir la ruse, de savoir se servir des richesses malhonnêtes de ce monde, afin de faire avancer la cause de la justice et du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu et justice, hein, c'est un équivalent. Ce matin, on va regarder la prière de Marie, c'est ce qu'on appelle le Magnificat. Si on avance un petit peu, voilà, on a le texte du Magnificat. Je ne sais pas si on doit le lire, on l'a lu la semaine dernière, hein, mais c'est le fameux texte puisque Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, car le Tout-Puissant, etc. etc. » Alors, Marie semble penser la même chose, avoir la même pensée qu'Ésaïe. Alors qu'Ésaïe aspire à un monde meilleur, que les choses vont changer. Je pense à justement Brian McLaren, pour ceux qui ont lu le livre Réinventer l'Église. Un des derniers livres de Brian McLaren, c'était Everything Must Change. Tout doit changer. Il faut qu'il y ait un changement. Hein? Et ce changement-là doit aussi commencer par nous, par les disciples de Jésus. Mais Marie semble penser la même chose qu'Ésaïe, alors qu'elle s'exprime dans son chant, qu'on appelle le Magnificat, et puis que Marie dit que tout débute avec l'action de Dieu qui abaisse son regard sur son humble servante. Je vais lire. Je vous invite même à ouvrir dans vos Bibles dans Luc chapitre 1, même si le texte est sur l'écran, mais on va changer la diapo tantôt. Alors, dans Luc 1, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servant. C'est pourquoi désormais, etc. Tout commence par le fait que Marie dit que Dieu a porté son regard sur elle. Je pensais à un autre texte de l'Ancien Testament, dont je n'ai pas la référence parce que ça m'est venu ce matin lorsque je méditais, puis je n'avais pas le temps de chercher la référence, mais où un des prophètes va dire que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour se montrer fort envers ceux dont le cœur est tout entier à lui. Hein? C'est comme dans ce texte, Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche des personnes à qui il peut s'associer à eux et eux peuvent s'associer à lui pour devenir partenaires dans ce changement qu'il veut opérer. Alors Marie dit, Dieu a abaissé son regard vers moi. Dans son chant de louange, Marie cible trois éléments de changement ou trois domaines qui vont être affectés par la naissance de Jésus. On est dans la période de l'Avent. Bon, on l'a mentionné la semaine dernière que lorsqu'on parle avant, on n'est pas en train de dire avant quelque chose. On est en train de parler de l'avènement. Avant, ça, hein, Adventus, qui veut dire avènement. Premier avènement, deuxième avènement. Et entre les deux avènements, il y a l'avènement du royaume de Dieu au travers de nous, alors que nous devenons partenaires avec Dieu dans ce que Dieu veut réaliser dans le monde. Donc, lorsqu'on pense à Noël, lorsqu'on pense à l'enfant né dans la crèche, il faudrait peut-être penser plus que simplement de voir le petit Jésus dans la crèche, hein, qu'il est beau le petit Jésus, et puis qu'il est né pour le pardon de nos péchés, etc. Il y a plus que ça. Hein? On l'a vu dans un texte que nous avons cité la semaine dernière, une citation qu'on a faite. On ne reviendra pas dessus. Mais que Marie, donc, dans son chant, va parler de trois domaines qui vont être affectés par la naissance de Jésus. On peut parler de trois domaines de changement ou trois domaines où il va s'opérer une révolution. Quelque chose va changer. Et je dirais que dans tout ce que Marie dit, il y a deux phases. Il y a une phase qui se vit présentement, puis il y a une phase aussi qui est future, où on attend finalement l'avènement du Seigneur Jésus qui va faire de sorte que le royaume de Dieu va rentrer dans sa pleine réalisation. Mais entre-temps, on n'est pas là à se croiser les bras, puis à dire, ben, j'ai ma promesse d'assurance pour le ciel. Et puis, on se réjouit d'être chrétien, d'être des saints. On a vu que le propos du royaume de Dieu est plus que ça. Il y a un changement social. Jésus vient afin d'opérer un changement social. Premièrement, on va regarder trois verbes que Marie utilise. Verset 51. Prochaine diapo, s'il te plaît, Daniel. Verset 51, où Marie dit, « Il est intervenu de toute sa puissance, il a dispersé des hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. » Elle parle, en premier lieu, de cœur et d'orgueil. Hein, ceci ensemble. Ce qui me dit, moi, que c'est un changement, une révolution spirituelle, premièrement, que Dieu veut opérer. Je pense à cette parole de Jésus dans Marc 7, 21. Quand Jésus va dire, ah, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, meurtre, vol, etc. Ça commence en dedans, hein? Adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alors Jésus ramène tout au cœur. C'est dans le cœur de l'homme que tout se passe. Ce n'est pas dans les choses extérieures, c'est dans le cœur. C'est le regard que je porte sur les choses. Ce n'est pas dans les choses elles-mêmes. Le problème ou le mal n'est pas dans l'argent. Le problème ou le mal n'est pas dans les personnes autour de moi, c'est le regard que je porte sur ces choses. C'est la place que ces choses-là tiennent dans mon cœur. Donc, le changement commence par le cœur. C'est un changement spirituel. Peut-être que certains vont, hein, si je dis le nom de Eleanor Roosevelt, peut-être que certains vont, hein, ça sonne une cloche. Ouais. Eleanor Roosevelt était la femme d'un des présidents des États-Unis, il s'appelait Franklin Roosevelt. La nièce de l'eau. Merci. De préciser, Catherine. Christine. Vas-tu avoir ma bouteille de Porto cette année? Bon. Donc, Eleanor Roosevelt était une activiste qui militait pour les droits des démunis et des groupes marginalisés. Elle était déjà bien avant son temps. On s'entend, là? Hein? C'était bien avant son temps, bien avant les années 60. Il y a eu ce mouvement-là de conscience sociale. Donc, tout en étant la femme du président, elle militait en faveur d'un changement. Elle militait pour les pauvres, pour les gens marginalisés, les gens les plus démunis. Alors qu'elle était déléguée américaine aux Nations Unies, elle s'est rendue en Yougoslavie. Alors que la Yougoslavie était encore, hein, un pays communiste, si vous connaissez un peu l'histoire de la Yougoslavie, alors la Yougoslavie, ça n'a pas tout le temps été la Yougoslavie. C'était la Croatie, la Serbie, le Kosovo, comme ça l'est redevenu maintenant. Et c'est sous le régime, donc, communiste, l'hégémonie soviétique, qui avait obligé ces différentes nations à devenir une, la Yougoslavie. Et le général Tito était celui qui avait été placé, hein, pour représenter les intérêts soviétiques dans ce pays. Donc, il était le président, le chef d'État de ce pays. C'est une longue histoire dans laquelle je ne veux pas entrer, mais le général Tito avait des vues très différentes de celles des soviétiques. Et en réalité, il essayait de tempérer, hein, la rigidité, la rudesse des politiques soviétiques. Tito était plutôt un communiste modéré, qui essayait en même temps, hein, d'allier, de pacifier les choses. Puis il avait assez bien réussi à développer la Yougoslavie en un pays qui était quand même assez pacifique, les différentes ethnies, hein, s'entendaient assez bien ensemble. Puis il y avait un certain progrès au niveau économique et social dans le pays. Eleanor Roosevelt, donc, lui a rendu visite un jour. Pendant qu'elle, avec le général Tito, hein, il fait visiter le pays, des industries, puis ce qui se passe en Yougoslavie, on rapporte cette conversation que Eleanor Roosevelt aurait eue avec le général Tito. Alors qu'elle lui faisait remarquer qu'elle était étonnée de voir l'étendue des réformes. Donc, elle le félicitait d'avoir si bien réussi dans sa vision moderne de la Yougoslavie. Et elle lui, hein, elle dit à Général Tito qu'il doit en être fier de ce progrès, de cette réussite. Vous avez réussi, c'est beau. Et le général Tito a ces paroles très significatives. On rapporte ceci. Il lui aurait répondu, aucun régime politique peut réussir aussi longtemps qu'on ne pourra pas extirper du cœur de l'homme l'égoïsme. Wow. L'égoïsme. L'égoïsme. L'ego. C'est fort, c'est puissant. Hein, pour un chef communiste, qu'on attribuait en ce moment-là, hein, à être athée, aucun régime politique peut réussir. Pour lui, il est en train de dire, j'ai pas réussi, là. Vous pensez que j'ai réussi, mais j'ai pas réussi. Et l'avenir a prouvé qu'il n'a pas réussi. Hein? Si on pense au génocide, là, c'est produit au Kosovo, à Sarajevo. C'est ce que Dieu annonce. Le mari annonce ce changement que Dieu veut opérer. Je dirais que c'est le cœur du message évangélique, n'est-ce pas? Que la foi en Dieu ne suffit pas. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui. Je côtoie des gens qui disent, je crois en Dieu. Puis c'est des bonnes gens qui font une démarche. Juste à certains points, je ne suis pas le juge de l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Mais le cœur du message évangélique, c'est que Dieu, par Jésus, est venu annoncer et faire changer le cœur de l'homme, opérer un changement au niveau du cœur, de l'âme, de la pensée, que Jésus, habitant dans l'homme par l'action du Saint-Esprit, Dieu peut changer l'orientation de notre cœur. Dieu peut, je ne sais pas si on pourrait dire extirper l'égoïsme, parce que je pense qu'on reste toujours un petit peu égoïste, mais du moins on se met en voie de, hein? On prend conscience de nos actions, nos gestes égoïstes, puis on se met sur la voie du changement, de changer. On pourrait dire que désormais c'est possible de connaître Dieu et d'être habité par l'Esprit de Dieu, qui donne un sens nouveau, une orientation nouvelle, une destinée à notre vie. On n'est pas obligé de vivre dans notre condition brisée, notre condition humaine. De gens brisés, affectés par les générations passées, de le mal qui s'est fait, hein, dans le monde. Marie s'exprime ensuite en disant le deuxième verbe, verset 52. Il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a précipiter les puissants, les gens en autorité. Les a précipités de leur trône et l'a élevé les uns. J'ai dit tantôt que, hein, il y a deux phases. Il y a une phase présente, il y a une phase parfaitement future. On pourrait dire dans le présent, on le voit, hein? Justement, hier, aux nouvelles, on soulignait le 30e anniversaire du coup d'État qui avait eu lieu en Argentine, alors que Perón avait pris le pouvoir, le massacre qui s'en est suivi, des milliers de gens qui sont morts, emprisonnés. Ce coup d'État sanglant qui a eu lieu. Mais finalement, cet homme puissant, qui se pensait invincible, a fini par être renversé à son tour. Puis l'Argentine connaît à nouveau un temps de paix, un temps de prospérité, un temps de liberté. Ouais, on pourrait dire ça de bien des pays. On pense à Pinochet au Chili, on pense à. Pourquoi pas Saddam Hussein? C'est un certain point. Des puissants qui sont renversés de leur trône, on le voit. Mais il y a aussi une vision à venir prophétique. Où est-ce que Marie annonce, il y a une aspiration, hein? Elle aspire à ce changement politique où les puissants qui utilisent leur autorité pour faire peser sur les gens un fardeau. C'est leurs intérêts premièrement qui comptent. Et ce n'est pas seulement dans le domaine politique, hein, c'est aussi dans le domaine économique. Je pense à cette parole de Jésus. Puisque Jésus va dire, hey, vous êtes mes disciples. Moi, ça m'interpelle cette parole. Je dirais que dans mes rapports pastoraux, dans toutes les églises où j'ai été pasteur, aussi bien que lorsque j'ai été en Haïti, sur le champ de mission, c'est toujours une parole qui m'est demeurée, que dans ma relation avec les gens, quand Jésus dit, hey, vous êtes mes disciples. Les grands de ce monde, ils vous bousculent. Il vous écrase. Hein? Moi, l'image, quand Jésus dit ça, là, j'ai une image d'un bulldozer. Hein? Les grands de ce monde, s'ils ont de la considération pour vous, ils vont vous bulldozer. Ils vont vous écraser comme hein, un rouleau compresseur. Ôtez-vous de là. On passe. On voit des gouvernements agir comme ça. D'autres, hein, plus visibles que d'autres. On voit dans l'économie la même chose. Jésus dit, t'en sois pas ainsi parmi vous autres. Soyez pas de même. Eux agissent comme ça. Mais vous autres, agissez pas comme ça. Parlant Jésus annonce par le chant de Marie, il annonce un changement politique. Je pense à un moment donné, Larry King. Tout le monde connaît Larry King. C'est un intervieweur. Célèbre aux États-Unis. Et puis, il animait un talk show à la télévision américaine. Alors qu'il était lui-même interviewé par un autre intervieweur, il a fait une remarque très perspicace. Parce qu'on lui a posé la question, à savoir, telle personne de l'histoire il aurait le plus voulu interviewer. Et qu'il n'avait pas pu interviewer. Dans l'histoire, lequel auriez-vous aimé interviewer? Puis Larry King a dit qu'il aurait aimé interviewer Jésus. Et là, c'est l'intervieweur lui a demandé, mais pourquoi? Telle question, vous l'auriez-vous demandé? Et puis, maintenant, Larry King répond ceci. J'aimerais lui poser la question à savoir si sa naissance est vraiment virginale. Parce que la réponse à cette question définirait l'histoire. Est-ce que Jésus est vraiment né d'une vierge? En d'autres mots, est-ce que la naissance de Jésus est vraiment miraculeuse? Est-ce que le Jésus de la crèche est vraiment le Jésus, le Fils de Dieu? Hein? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que si c'est ça, là, ben, ça va définir l'histoire. On pourrait dire qu'à cause du premier changement, celui du cœur, le changement de cœur déborde dans le politique, à cause des valeurs de Dieu, du caractère de Dieu, qui sont intégrées à la vie des croyants. Parce qu'il y a des, hein, il y a des chefs d'État qui sont croyants. Il y a des gens, on a vu la semaine dernière comment que Tommy Douglas a influencé une partie, une page de l'histoire canadienne en militant en faveur de du régime d'assurance maladie au travers du Canada. Un homme politique, hein, qui a travaillé à cause des valeurs de Dieu, à cause du caractère de Dieu dans sa vie, il a amené un changement dans le politique. Bien, il y a une mesure où cela se passe maintenant, mais il y a aussi une mesure future. On pourrait parler du levain qui pénètre la porte de la société. Hein? Peu importe à quel niveau, il y a des gens, il y a des croyants. Puis nous aussi, par notre... ça peut être au niveau municipal, au niveau hein, du quartier, au niveau de nos interactions. Alors, il y a un changement. On est le levain dans la porte de la société. Troisièmement, verset 53. Marie va dire, troisième verbe, « Il a comblé de bien ceux qui sont affamés et leur a envoyé les riches les mains vides. » Le politique, l'économique, un changement économique. On parle beaucoup, de plus en plus, de la pauvreté systémique. Hein? Il y a des gens qui sont pauvres, pas seulement parce qu'ils ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui sont pauvres parce que ça fait partie du système. On l'a vu. Encore cette semaine, alors que l'Angleterre, le premier ministre Brown essaie de passer une loi pour obliger les banques de payer un impôt sur les parachutes dorés qu'ils donnent à leurs cadres, parce que les banquiers n'ont pas appris la leçon de la crise économique par laquelle on vient de passer. Ils sont en train de donner de généreuses primes. Tant est-ce que ça va changer? Tant est-ce que c'est tout le temps les mêmes? Tant est-ce que la richesse va être partie de façon plus équitable? Il y a une pauvreté qui est systémique, qui fait partie du système. Il y a des gens qui militent. Je pense à Bono. Je pense même à Barack Obama. C'est un certain point, peut-être qu'il est conscient qu'il aimerait aussi agir dans ce domaine-là pour légiférer, pour obliger les corps des grandes compagnies à agir autrement. Encore là, il y a deux volets à ce changement économique. Je dirais que le volet personnel, toujours à cause de ce changement de cœur, cette réorientation intérieure, il y a des changements économiques dans nos vies personnelles à cause du changement qui s'opère dans notre mode de vie, le style de vie. La consommation, moi, je suis quelqu'un qui pense que le royaume de Dieu devrait avoir des conséquences sur notre style de consommation. Quelqu'un m'a dit dernièrement que j'étais minimaliste. Puis j'ai dit, God, c'est un compliment, que je vis avec peu, dans le sens que, puis même dans la décoration, dans, tu sais, je veux dire, quelqu'un, il y a des gens qui parlent de la... Voyons. La quoi? La simplicité volontaire. Est-ce que c'est un concept chrétien? Est-ce que c'est un concept de... On va enlever le mot chrétien. C'est trop. Est-ce que c'est un concept qui s'aligne aux valeurs du royaume de Dieu? la simplicité volontaire de dire, je veux vivre le plus simplement possible. Est-ce que je peux faire des choix? On parlait de choix tantôt. L'amour prend des décisions. L'amour fait des choix. Est-ce que, en tant que disciple de Jésus, cette révolution que Marie annonce, qui se passe maintenant, à certaines mesures, et dans le futur, mais est-ce qu'elle peut aussi se produire dans nos vies à nous? Dans la mesure où les valeurs du royaume de Dieu sont intégrées à notre vie. Le levain devient, fait partie de la pâte de nos vies. Puis, il y a un effet sur notre façon de vivre, notre façon de consommer. De plus, à cause de ce changement de cœur, cette réorientation intérieure, puis d'un dépassement dans le politique, le changement économique est rendu possible. Parce qu'il a une influence dans le politique aussi. Donc, je pense qu'on doit espérer à ça. On doit espérer de voir nos gouvernements être influencés par les valeurs du royaume de Dieu. En terminant, en concluant, il y a un commentaire que j'ai lu, que je vais vous lire. Je ne pense pas que je l'ai mis sur le... Non, je ne l'ai pas mis, mais peut-être tu peux le laisser là, merci. Merci, Daniel. Quelqu'un a fait ce commentaire sur le lectionnaire, sur à la fois Ésaïe 11 et Luc 1. Et il va dire, pour les progressistes, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles, c'est important ce qu'il dit. Pour les progressistes, c'est bon de le répéter encore et encore. Êtes-vous progressiste? Ou est-ce que vous êtes pris dans une eau stagnante? Est-ce qu'on fait du surplace? Est-ce qu'on est pris dans les cadres du passé, de la compréhension évangélique du passé? OK. Pour les progressistes, c'est bon de le répéter encore et encore. Jésus n'a pas été tué parce que l'humanité haïssait Dieu, mais parce qu'ils haïssaient ce que Dieu avec nous, Emmanuel, ferait à leur pouvoir social et leurs privilèges. Est-ce que c'est encore de même? Voilà comment que les écrivains du Nouveau Testament ont compris le récit. Et ils ont puisé à des textes de l'Ancien Testament, tels que celui d'Ésaïe 11, pour développer leur narration de l'histoire. Tant que les disciples, que ce soit Matthieu, Jean, on peut parler de Luc et de Marc aussi, Paul, on cherche à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Jésus, né, vit une vie, son message de vie, il est crucifié, ressuscité, il monte au ciel. Comment comprendre ce qui nous arrive maintenant? Jésus n'est plus là, il part. Et pour comprendre le message de Jésus, ce qu'il est venu faire, ils ont puisé dans les textes de l'Ancien Testament pour éclairer ce qui se passait. Et c'est là que cet auteur dit, Jésus a été crucifié, il est mort, pas parce que les gens haïssaient Dieu, mais parce qu'ils haïssaient le fait que ce Dieu-là, ce Dieu avec nous, ce Dieu qui s'incarne, eh bien, il va chambouler notre pouvoir, il va chambouler les choses. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont voulu se défaire de Jésus. Ces deux textes d'Ésaïe 11, aussi bien que Luc 1, nous promettent que dans les débris de la folie humaine, Dieu, en temps voulu, produira notre propre rédemption et celle de la création. pas juste la nôtre. La création entière. À partir des débris de notre folie humaine. Est-ce qu'il y a de la folie dans le monde? C'est facile de devenir déprimé. Hein? Moi, je déprime des fois. Je vous disais cet été comment j'étais déprimé pendant plusieurs semaines quand je lisais le livre La haine de l'Occident. Puis je me disais, mais c'est horrible les crimes des Occidentaux. C'est terrible. Mais c'est là que Ésaïe et Marie, dans son chant, nous donnent l'espoir, l'espérance. Parce qu'on aspire à quelque chose d'autre. Puis on sait que ce n'est pas que le mal n'est pas une finitude, mais que Jésus, par nous, dans le moment présent, il y a un mouvement, il y a des changements, mais il y a aussi cette fin dernière, parce qu'on aspire à ce jour du plein épanouissement. La pleine réalisation du royaume de Dieu. Juste en terminant, je dirais par analogie, il y a une autre application que nous pouvons faire de ces textes que nous avons lus, surtout Ésaïe 11, je viens de Luc 1. Quels sont les troncs morts? Parce que Ésaïe nous parle d'un tronc mort. Hein? On a commencé avec ça. Je vous ai parlé du tronc d'arbre dans le parc de la Fontaine. Ils l'ont coupé. Mon arbre. Parce que j'allais, hein, durant l'été, m'asseoir, lire. Ils ont coupé l'arbre. Sans doute qu'il était malade. Là, c'est un tronc. Est-ce que nous avons des troncs morts dans notre vie? Dans Ésaïe, Ésaïe annonce que de ce tronc mort, Dieu va faire naître un rameau. Va devenir plus puissant, plus grand que que l'âme qui est allée auparavant. Quels sont les troncs morts de notre propre vie? Ce que nous considérons comme des situations sans issue, des fins de match. Hein? Les jeunes qui jouent des jeux là, sur vidéo, hein? Puis tu arrives à la fin, puis, hein? Fin du jeu. Ah! Hein? Je ne me suis pas rendu ce que je voulais me rendre. Quels sont les fins de match de nos vies, nos échecs? Et la question, c'est que si nous devions recevoir de Dieu toutes sortes de grâces excellentes, Jacques 1, hein? Jacques 1 qui dit, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre, dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Et si par ces grâces excellentes, ces dons parfaits de Dieu, Dieu venait à faire ressurgir des troncs morts de notre vie, des rameaux. À quoi ça ressemblerait? À quoi ressemblerait nos vies? Hein? Alors, comme Ésaïe, comme Marie, regardons vers les promesses de Dieu. Et que des troncs morts de nos vies, de nos échecs, nos fins de match, que Dieu peut faire naître aussi dans nos vies à nous, faire ressurgir des rameaux qui vont porter du fruit. Pas encore quoi? Trouvons nos têtes un moment. Okay? Seigneur, comme c'est bon de pouvoir espérer. Tu nous rappelles par Paul que trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. On a parlé d'amour ce matin, mais aussi d'espérance. Amour, justice, Nous avons cette espérance que dans nos vies, tu peux aussi nous emmener à réaliser l'amour avec justice autour de nous. Et aussi de regarder vers l'avenir, le futur, à espérer. Nous avons une espérance vivante, non seulement d'un retour spirituel ou un retour bonbon de Jésus, mais d'un retour de Jésus pour amener un règne de paix, de justice, ce à quoi nos cœurs aspirent, ce à quoi aussi le monde, le cœur du monde aspire. Alors nous te prions cette prière de Marie. Que ce jour vienne où est-ce que les grands de ce monde, tu vas les détrôner, ceux qui écrasent, ceux qui détruisent ta création aussi. Tu vas être détrôné, tu vas avoir un changement qui va s'opérer. Nous aspirons à ce changement ce matin. Et nous disons Amen à cette prière de Marie. Amen.